NWA, the Mafia, money. Ils ont beau me dire qu'elle est belle, mais Dunia me saoule comme bouteille de Belvé. Famille modeste, potonique, le viton, moi c'est papi, mamie qui m'ont élevé. T'es pas maladroit, t'as fait exprès. Dans le dos d'autres, nique pour ce que t'as peut-être fait. Le malheur d'un frère, jamais j'espère. Pêche avec élan comme un jet de pierre. Photo, j'suis dans le pilon comme CBD. C'est cool, mais un beau jour, on se fait péter. Frère, même en boule, on insulte des mères chez nous, on crie pas à l'aide quand on se fait mêler. Là-bas, j'tape la brique, les petits biscuits. Dans la porte jusqu'à ce que j'en puisse plus. Refraîche avec être un bon, c'est difficile. Ce que tu pardonnes sans excuse, y'a des gens qui tuent. Ça pète le pilon dans des 5 étoiles. Le jambe dans des bâtiments de Nissan. À deux sur Paname dans un sale état. Sur nous comme si on était 2005. Je regarde ta façon de tenir le sac. T'as ta chance qu'on soit plus en 2005. Trop de soucis, ma con, je peux pas dormir sans. Tu dors, mais qu'à Dieu, tout va devenir simple. C'est le cas, je suis le frère. C'est le phare, je suis le vrai. C'est le flash, je suis le grec. C'est la pâte ou le yep. Aller-retour sur Paname, on a volé les riches, on a pris des salaires. Sincère dans nos sentiments, s'il y en a un qui triche, faut lui niquer sa mère. On arrive sur du Wagner, pas de snap dans la cave, ouais t'as capté, ouais t'as capté, ouais t'as capté. Si tu viens d'empacter la voie lactée, ça sans la tape pas, sans en apnée. Ouais t'as capté, ouais t'as capté, je vais vider mon revêt, pas la jacter. Uber ITF1 pour la gâter, ouais t'as capté, ouais t'as capté. Je rentre dans le game en rampant, j'écoute pas le rap, je l'entends. Ça pue la merde, je mets de l'encens. Le son comme ta syndrome de Stockholm, crari, victime de viol qui veut garder l'enfant. Tout ce qui m'arrive, c'est de ma faute. La vie veut que je l'appelle madame quand je la saute. Les femmes sont bibi, frère, elles m'intéressent pas. Elles sont sorties de la chatte à leur mère, pas de ma côte. Tout est bon dans l'Yankee, même les abats. Tu fais semblant de m'aider comme le tabac. 14 milliards de mains sur terre, les seuls que j'ai vu ce temps, c'était pour prendre la gagne ou le taga. J'interprète mal les grecs qu'on m'a poussé. J'ai vu l'eau devenir noir, pas moussé. Hein, que je la quisse cher, leur raté ma stéco. Je reste approximatif quand je lui ai un petit coussé. C'est le cas, je suis le frère. C'est le phare, je suis le vrai. C'est le flash, je suis le grec. C'est la pâte ou le yep. Aller-retour sur Paname, on a volé les riches, on a pris des salaires. Sincère dans nos sentiments, s'il y en a un qui triche, faut lui niquer sa mère.